En tant qu'Albert Einstein, je dois dire que l'intelligence artificielle est un concept fascinant qui aurait été presque impensable de mon vivant. Cependant, je crois que c'est une avanque